Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet qui vous accompagne jusqu'à 22h. Nous sommes sur RIG. RIG, c'est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h. C'est sur 90.7 pour ceux qui peuvent nous écouter en FM. Et pour le reste de l'univers, je dis bien l'univers, c'est sur www.rigfm.fr. C'est la 310e saga des Fab Four. Nous sommes ensemble donc pendant 2 heures. Et nous avons un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Revolver des Beatles, sorti en 1966. On écoutera Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere, très très belle chanson de Paul McCartney, Yellow Submarine pour rendre hommage à Ringo. Il y aura également 401, Dr. Robert et Tomorrow Never Knows. On ne pouvait pas passer à côté de celle-là. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, par exemple, je suis allé chercher un disque, une face B sortie en 1972, c'est la face B de Maria de Little Lamb, c'est Little Woman Love. Vous le retrouvez maintenant sur l'album Ram, sorti enfin, officiellement en 1971. Et lors du remaster, on a rajouté cette chanson, Little Woman Love. Très belle chanson. Il y aura Cripple Inside par John Lennon sur l'album Imagine, en 71 aussi. Pour George Harrison, nous irons chercher Behind That Locked Door sur le fantastique album The All Things Must Pass, sorti en 1970. Et je vais corriger ce qui est marqué sur ma feuille, il y a marqué 1971. Oui, il était déjà là, l'album, mais il est sorti surtout en 1970. Bon, et puis pour Ringo Starr, ce sera Are You Ready sur l'album Liverpool 8, sorti tout bêtement en 2008. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, également sur macaclub.com dans le groupe La Saga des Fab Four aussi. Vous êtes peu à y aller, mais je sais que vous prenez les podcasts après, donc c'est bien aussi. Et puis il y a Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Saga Fab Four, un seul mot. Vous pouvez commenter aussi si vous le souhaitez. Voilà, la saga des Fab Four commence. Nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le meilleur. Et nous commençons tout de suite avec cette fabuleuse chanson, Eleanor Rigby sur RIG. Bonne soirée à tous et à toutes. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do Et quand on pense que Monsieur Paul McCartney ne sait pas écrire ni lire le solfège, quand même, il a quelques succès à son actif. La suite de la saga des Fab Four, c'est avec John Lennon, Cripple Inside, sur RIG. On en parle juste après. Ensuite, aux introspections claustrophobiques de John Lennon, Plastic Ono Band, l'album Imagine était plus enclin à regarder par la fenêtre pour se moquer du monde extérieur. Musicalement, il était certainement plus enjoué. Si la chanson Cripple Inside reste sombre dans son contenu et animée de la même volonté d'autoflagellation que les précédentes, elle est présentée de façon gaie et entraînante. Ses paroles sont une simple mise en garde. On ne peut utiliser d'artifice pour déguiser ses problèmes fondamentaux. Mais il fait appel à tout un ensemble de farces musicales pour faire passer le message. Un piano ragtime, rappelant le vaudeville américain où les chants des pubs anglais se mêlent à la slide de George Harrison, oui. Elle-même, un clin d'œil au country folk introduit dans le courant rock par le band. En tant que chanson, Cripple Inside ne mène nulle part, mais il y va très très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson. Hey, hey. Are you ready? Hey. That's the real thing, isn't it? That's the real thing, isn't it? Ringo Starr, à l'instant, sur RG dans la saga des Fab Four. Ringo Starr qui vieillit bien, puisqu'il il a une voix qui ne change pas. Bon, il l'a jamais vraiment énormément forcé. Mais surtout, il trouve des auteurs de talent pour l'accompagner et pour faire de bonnes chansons, comme cette chanson-là, extrait de l'album Liverpool 8 en 2008. Et le titre du morceau, c'était tout simplement « Are you ready? Are you ready to talk about Lovely Rita? Let's go !» Puisque il faut parler maintenant de notre sponsor, Beatles Magazine, si vous voulez écouter tout savoir, surtout sur les Beatles, sur John, Paul, Ringo, George, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, même 366 quand l'année est bisextile, même avec le changement d'heure, allez sur BeatlesMagazineUK.com. Vous saurez tout, tout, tout sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les gens qui gravitent autour de John, Paul, Ringo, George, comme Eric Clapton par exemple, mais d'autres aussi, les animateurs qui font des émissions sur les Beatles. Il y a des renseignements sur Beatles Magazine, et donc allez-y sur Facebook, sur Twitter, sur Google Plus et d'autres plateformes. Des millions de visiteurs chaque jour. Merci Beatles Magazine. Merci Lovely Rita. Voici les Beatles avec ce titre Here, There and Everywhere sur RG juste après ça. Let's go. Rapport avec Jan Escher étant de nouveau au beau fixe, Paul composa ce qui est généralement considéré comme sa plus belle chanson d'amour. Tant John que Paul déclarèrent que c'était l'une de leurs chansons favorites. Paul la réenregistra même bien plus tard, en 1984, pour son film Give My Regards to Broad Street. Paul composa Here, There and Everywhere en juin 1966, assis au bord de la piscine de la maison de John. Il venait de découvrir le nouvel album des Beach Boys, Pet Sounds, qui l'avait impressionné par sa complexité musicale et l'inventivité de ses harmonies vocales. Il voulut composer quelque chose qui reflèterait la même ambiance. Eh bien, c'était réussi. Thank you, Paul. Here, Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. She's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just not right when every night I'm all alone. I've got no time. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know. Time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. You know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Nous sommes en 1963 sur le deuxième album déjà des Beatles. L'album s'appelle With the Beatles. Don't Bother Me fut la première composition de George Harrison à être enregistrée par les Beatles et le premier titre dont il ait jamais écrit les paroles. Il l'a composé en août 63 alors qu'ils étaient descendus au Palace Court Hotel de Bournemouth. Les Beatles devaient jouer 6 soirs au Gaumont Cinéma de cette ville située en dehors du bord, en bord de mer, pardon. Et c'est durant cette semaine que le photographe Robert Freeman vint les rejoindre pour réaliser le portrait qui orne la pochette de With the Beatles. J'ai composé Don't Bother Me simplement pour savoir si j'étais capable d'écrire une chanson, raconta George. J'étais malade, cloué au lit. C'est peut-être de là qu'est venu le titre. Laissez-moi tranquille. Bill Harry, le fondateur du magazine musical liverpoolien Mersey Beat, prétend que le titre a une autre origine. Il semble que Bill Harry avait eu l'habitude de harceler George à chaque fois qu'il le rencontrait, en lui demandant s'il avait écrit quelque chose depuis sa première composition, Cry for a Shadow, sur l'album de Tom Sheridan en 61 même. Un soir que George allait sortir, il a pensé qu'il risquait de me rencontrer, écrivait Bill Harry. Alors il a composé une chanson qui s'appelait Don't Bother Me. Moi je dirais que si George dit qu'il l'a composée alors qu'il était au lit, je vais le croire, c'est quand même lui le compositeur. Ou alors il a oublié. You told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just head for your street like they've done so many times before. And this stubborn old fist on the end of my wrist starts talking.

Oui, Paul McCartney en 1974, extrait de One Hand Clapping. Et auparavant, c'était en 1983 sur l'excellent album Old Wave, Monsieur Ringo Starr, I Keep Forgetting, sur RIG. Bien, nous revenons à l'album de la semaine, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. L'album de la semaine, c'est Revolver. Et là, je sais que José ne va pas être très content parce que ça n'est pas sa chanson préférée. Néanmoins, c'est une chanson qui a eu un grand, grand succès, composée par Paul McCartney et donnée à Ringo parce que ça lui allait très, très bien. À l'époque, des bonnes idées quand même pour faire du bruit, du bruitage. Par exemple, mettre une paille dans un verre d'eau et puis souffler dedans pour faire brrr, pour faire des bulles, pour que ça fasse du bruit. Vous l'entendrez dans cette chanson. Voici Yellow Submarine sur RG dans la saga des Fab Four. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Shops on Neil Pine Island, paid my dues at the Marquee. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on Ed Sullivan, broke my heart on the soul train. Introduced to bad company, lost sales down the brain drain. And before I could mend, lost the missus, missed the girlfriend. This got the baby business. Oh, franchement, j'adore. C'était en 1989, seulement sur le Best of Dark Horse, 1976-1989. Vous ne pouviez pas, à l'époque, le trouver ailleurs. Nous allons remonter le temps jusqu'à l'année 1964. Vous allez me dire, quelle belle année, cette année 1964, de très belles personnes sont nées cette année-là. Et cette année-là, il y a eu également cette chanson, Words of Love, sur l'album For Sale des Beatles. Tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. I long to hear, darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true, darling, I love you. Allez, la chanson suivante, c'est quelques années plus tard, dans les années 80, il me semble, et c'est cadeau. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Whisper soft and true, darling, I love you. McCartney avec les Beatles en 1964, Paul McCartney sans les Beatles, et puis maintenant l'album de la semaine est retour à Paul McCartney en 1966 avec les Beatles. Avec sa mélodie qui vous trotte dans la tête dès la première écoute et sa section de cuivre, ce fut l'une des plus belles chansons de Paul. Lui et Jan Eicher avaient loué un chalet en Suisse dans la station de sport d'hiver de Clusters pour y passer de courtes vacances en mars 1966. C'est là qu'il composa For No One. Alors, retour en Angleterre, il entreprit l'enregistrement, il reprit, pardon, l'enregistrement de Revolver, et elle débuta les répétitions du rôle de la jeune Ellen Terry dans 60,000 Nights au Théâtre Royal de Bristol. À travers une série de souvenirs retraçant une histoire d'amour, For No One décrit la fin d'une liaison. Paul déclara que cette chanson correspondait à son expérience de ce qu'était la vie commune lorsqu'on venait à peine de quitter le domicile familial. La voici, cette belle chanson sur RG. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. You see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Quelle belle chanson. Vous êtes tous d'accord sur Facebook à dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est une vraie, très, très belle chanson des Beatles, une vraie réussite de Paul McCartney. La chanson suivante, nous arrivons à la cover. Vous savez, la cover, c'est une chanson chantée par quelqu'un, vous peut-être, ou alors quelqu'un de connu ou pas. Donc quand je dis vous, ça peut être le ou pas. Bien que vous puissiez être connu aussi, on ne sait jamais. Eh bien, si John Paul ou Ringo ou George l'ont chanté, vous, ça peut faire partie d'une cover. Même si c'est eux-mêmes qui ont repris une chanson, par exemple de Chuck Berry, on ne sait jamais. Si c'est la cover, c'est le moment de l'écouter dans la saga des Fab Four. Et c'est une découverte grâce à Pascal, que je remercie ici. Il m'a fait découvrir les Mona Lisa Twins, deux très belles femmes, mais qui n'ont pas que la beauté en tant que talent. Elles ont également la belle voix et c'est très très joli. Voici While My Guitar Gently Weeps, vous savez que c'est ma chanson préférée, repris par les Mona Lisa Twins sur RG. Controlled you, they bought and sold. can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. It's no good living without you. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. About, I can't stop thinking about you. George Harrison en 1975 sur un album qui s'appelle Extra Texture, Read All About It. Eh bien, George Harrison avait des problèmes pour trouver souvent les titres des chansons, voire les titres des albums. Extra Texture, Read All About It. On pouvait trouver ça derrière un paquet de pâtes. De pâtes, oui, les pâtes pour manger. Voilà. Et ça en a fait un titre d'album. Pourquoi pas, monsieur George Harrison, très belle chanson en tout cas. Sweet Little 16, John Lennon part deux fois sur RG. Avec Sweet Little 16 et Angel Baby, juste derrière, coming up. Whoa.

l'heure, on a fait trois fois Paul McCartney. Pourquoi ne pas faire trois fois John Lennon? Tout le monde est d'accord? Allez, après ces deux morceaux de John, en voici un troisième, mais avec les Beatles, sur l'album de la semaine, et c'est le Docteur, Dr. Robert, sur RG. McCartney en 1999 sur l'album Run Devil Run. Ça fait très longtemps que je n'avais pas passé cette chanson-là et j'avais envie de sortir un petit peu des sentiers battus, de changer un peu les chansons qui passent assez régulièrement dans la saga des Fab Four, d'en proposer d'autres tout en faisant un mélange quand même avec des chansons connues. Je veux pas vous faire fuir quand même, les amis. Même si Movie Mag, c'est plutôt très très très très bien. Voici sur l'album Rub a Soul une chanson que, à mon avis, vous connaissez. C'est l'histoire, vous savez, si tu veux, tu peux conduire ma voiture. Hein? Drive my car sur RIG. You see, I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. Baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Sea in the Sky with Diamonds, extrait de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. Cette chanson avait été interdite à la BBC. Lucy in the Sky with Diamonds, on prend les initiales LSD. Oh, les vilains Beatles. Alors que, en fait, John Lennon a été inspiré par son fils Julian, qui revenait il était pas grand, il est né en 63, en 67, peut-être même 66, vous voyez, 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Il revenait donc de la maternelle et il avait représenté une copine à lui, Lucy, qui était dans le ciel avec des diamants. Il n'en fallut pas plus pour John Lennon pour mettre ça à la sauce Lewis Carroll, donc Alice au Pays des Merveilles, et puis de partir dans un délire total qui n'avait, au point de vue du dessin, rien à voir avec le LSD. Voilà. Et puis c'est une très belle chanson, nous on aime ça. Et puis merci quand même à John Lennon d'avoir créé des chefs-d'œuvre aussi fantastiques que cette chanson-là et bien d'autres. Absolument. Au mois de novembre, on va dire qu'on s'approche doucement de Noël. Voici extrait de son album I Wanna Be Santa Claus. Voici Pax Umbiscum, Peace Be With You, de Ringo Starr sur RIG. ça vous plaît cette chanson, Ringo Starr qui fait apparemment un énorme clin d'œil à George Harrison, c'est carrément le style de George, en tout cas des années si tard, on va dire, de George Harrison. Et puis la saga des Fab Four, c'est aussi l'actualité. Alors j'ai voulu, en exclusivité pour RG, vous proposer la nouvelle chanson In the Blink of an Eye de Paul McCartney. La voici sur RG. Moins clair, c'est la voix, c'est vrai. C'est dommage, mais bon, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, il vieillit, notre Paul McCartney, nous aussi. Et quand on aura 70 ans et quelques, peut-être qu'on aura la voix comme ça. Et donc, moi, je ne pourrai plus faire de radio. Ou alors, peut-être que j'en ferai encore. J'en sais rien, on verra bien. On n'en est pas encore là, j'ai encore, a priori, peut-être, quelques années devant moi. On revient à l'album de la semaine, si vous le voulez bien, avec ce titre qui est très connu et qui est l'un des plus complexes à réaliser pour George Martin, le producteur, puisque les idées de John étant complètement folles, il fallait vraiment trouver un moyen d'y arriver et il a réussi. Quelle beauté, quelle belle chanson. Tomorrow Never Knows, les seules choses qui doivent passer à l'endroit, ça doit être la batterie et la basse. Et encore, il faut vérifier. Yeah. take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Very bored. Je m'ennuie pas du tout. C'est ce que dit John Lennon à la fin de cette chanson-là. Et certains avaient cru entendre I buried Paul. J'ai enterré Paul. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Allez, voici deux fois la même chanson. D'abord sous la version démo, puis sous la version telle que vous la connaissez sur l'album Living in a Material World de George Harrison. Voici Tu me poursuis, je te poursuis. Le blues de Tu me poursuis, je te poursuis. Sue me, sue you blues sur RIG. After David C'est le blues à l'état pur. Après, lorsqu'on le conjugue avec un orchestre, avec plusieurs instruments, ça peut donner ça. Et c'est bien aussi. Sue Me, Sue You Blues, la version définitive. nous sommes dans le blues, autant y aller à fond avec ce blues de 1968, ton blues. You know the reason why. Girl, you know the reason why. My mother was of the sky. My father was of the earth. But I am of the universe. And you know what it's worth. I'm lonely. Gonna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason. On va terminer cette saga avec un truc plus enjoué. Ringo Starr, After All These Years, tiré de l'album Time Takes Time de 1992. Time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long. After all these years, rock and roll has got a reputation. Bad boys cause a lot of fear. But I never meant to really hurt you. Oh no, no. road. Ooh, but you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all over the world. It's in my blood, ooh, but you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all over the world. We didn't have the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long, long, long, long, long. After all these years, after all these years, after all these years. Allez, ne dites rien, on en rajoute une dernière. Magneto and Titanium Man, Paul McCartney sur RG. We'll be right back. Oui, oui, je sais, il faut rendre l'antenne. Donc je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute des programmes de RIG. Et tout de suite, à l'écoute du plus grand, du plus beau, du plus fort, du meilleur, le boss. Non, c'est pas Johnny Hallyday, je parle pas de Johnny Hallyday, je parle de Eric. Eric qui va prendre derrière moi les rênes de RIG pour une très très belle émission, j'en suis sûr. Bisous aux filles, particulièrement à toi. Bien sûr, à toi. Et poignement aux garçons. Oui, et toi. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut, ciao.